des mots en l'air d'une seule vie à deux. Vivre seul, mais à deux. Maturité requise, indépendance en moi, fidélité promise, avenir incertain. Accepte ses prétextes et ma mauvaise foi. Tes rêves commencent là. Là où les miens s'arrêtent. Le corps à corps me suffit. Je fuis le tête à tête. Je ne vois pas si loin. Ne ressens pas l'urgence d'épouser cette cause d'éternel amour. Maturité requise, indépendance en moi, fidélité promise, avenir incertain. Accepte ses prétextes et ma mauvaise foi. Accepte ses prétextes et ma mauvaise